Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors aujourd'hui, on va faire le Top Cruise du meilleur ou de la meilleure collaborateur, collaboratrice de Tom Cruise. Top. C'est les Top Cruise. Alors Serena, qu'est-ce que c'est que ce Top Cruise du meilleur collaborateur ou de la meilleure collaboratrice? Alors, c'est en dehors de partenaires des jeux, c'est vraiment les personnes dès l'industrie du cinéma qui l'ont accompagné et qui, selon moi, l'ont le mieux accompagné. Ok. D'accord. Ouais, c'est clair. Dans sa carrière professionnelle. Dans sa carrière, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être un acteur, comme ça peut être un producteur, un musicien, peu importe. Ou son assistant personnel, ou son chauffeur peut-être. Bah, complètement. On n'est pas à l'abri. Si seulement je connaissais les noms. Alors, vas-y. Alors, mon numéro 3 est quand même une évidence, est quand même Paula Wagner. Eh ben donc, oui. Donc, productrice... qui a monté la boîte de prod de Tom Cruise, qui a produit l'émission Impossible 1, 2, 3 et 4, je crois, qui a produit les Jack Reacher 1 et 2, qui a produit Vanilla Sky, bon, ouais, pas ouf, mais bon, qui l'a quand même accompagné. Oui, et qui a géré sa carrière aussi, c'était son agente aussi au début, non? Il pas un truc comme ça? Je sais plus. Peut-être. Mais en tout cas, c'est une grosse partie de la carrière. C'est une grosse partie de la carrière qui lui a permis aussi par la suite de s'en sortir plutôt pas mal, même dans les pires défauts. Il avait quand même l'émission Impossible qui l'accompagnait. Tout à fait. Qui l'ont sauvé, disons. Ouais. Même. Voilà. Donc, Paula. Paula Wagner. Number 3. Numéro 2. Numéro 2. On va dire, c'est Cricri, c'est Christophe. C'est Christopher McQuarrie. Ah, le cri-cri, bah ouais, le cri-cri quand même. Il a écrit à peu près tous les derniers scénarios. Il a tourné pas mal d'émissions impossibles. Il est toujours là, en fait. Oui. Si vous avez un peu suivi notre émission, à chaque fois, il est là. Ah oui, ça ça fait bien 10-15 ans que c'est lui. Il est sur tous les films, quasiment. Bah presque, à partir des années 2010, il est sur tous les films, je crois. D'une manière ou d'une autre, ça aussi qui est intéressant, c'est pas juste un réalisateur, c'est aussi quelqu'un qui est un peu derrière les rideaux, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, il vient, il réajuste, il trouve l'idée géniale, c'est qui aide quand même pas mal la carrière de Tom Cruise. J'ai l'impression qu'il l'aime bien, Oui, parce que là, ils sont tout le temps fourrés. Hein, bah voilà. Bah à la base, c'est un scénariste surtout, comme McQuarrie, je crois. Oui. Après, il a commencé en tant que scénariste. Ouais. Et après. Mais là, oui, maintenant, c'est son BFF. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que je me disais. C'est un peu une bromance, tu vois, les trucs romantiques entre mecs. Ok. Voilà. Et les number one. Le number one. C'est un peu particulier parce que c'est très spécifique. C'est Craig O'Brien, qui est le caméraman qui a tourné avec Tom Cruise le saut. De Mission Impossible Fallout, les Jump Halo. Les Halo Jump. Caméramans qui s'est entraîné. Ils ont passé des jours pour pouvoir filmer ces sauts hyper compliqués à filmer, qu'il a sauté avec Tom Cruise. Et du coup, qui a fait qu'ils ont eu cette espèce de chimie incroyable. Ils ont réussi à s'entraîner suffisamment et à tourner cette scène. Il y a un super entretien de lui dans le podcast Meeting Tom Cruise. Et c'est vraiment, tu t'es dit, putain, s'il n'y avait pas ces caméramans-là, en fait, on n'aurait pas ces images incroyables. Et je trouve que c'est un peu un symbole de tous les gens qui font... je trouve ces caméramans qui doivent être aussi fous que lui et qui font ce travail avec lui. Mais en plus, il y a souvent, c'est ça, les interviews, même quand ils interviewent d'autres acteurs qui disent, en fait, je me suis mis au sport parce qu'il faut poursuivre Tom Cruise, il faut s'y mettre. Mais grave. Et c'est une très belle anecdote, très belle histoire. Craig O'Brien, c'est un Tom Cruise mérité, j'ai l'impression. Bah oui, complètement. Bravo Craig. Bravo Craig, numéro uno. Bon, on se retrouve demain. Yes. Des bisous. Des bisous.